Stern, le voyage sentimental, quatrième partie. La fortune n'avait pas favorisé la fleur. Il n'avait pas été heureux dans les faits de chevalerie. Et depuis 24 heures à peu près qu'il était à mon service, rien ne s'était offert pour qu'il pût signaler son zèle. Le domestique du comte de L, qui m'avait apporté la lettre, lui parut une occasion propice, et il la saisit. Dans l'idée qu'il me ferait honneur par ses attentions, il le prit dans un cabinet de l'auberge et le régala du meilleur vin de Picardie. Le domestique du comte, pour n'être pas en reste de politesse, l'engagea à venir avec lui à l'hôtel, l'humeur gaie et douce. De la fleur mit bientôt tous les gens de la maison à leur aise vis-à-vis de lui. Il n'était pas chiche, en vrai français, de montrer les talents qu'il possédait, et en moins de 5 ou 6 minutes il prit son fifre et la femme de chambre, le maître d'hôtel, le cuisinier, la veuve de la laveuse de vaisselle, les laquais, les chiens, les chats, tout, jusqu'à un vieux singe, se mit aussitôt à danser. Jamais cuisine n'avait été si gaie. Madame de L, en passant de l'appartement de son frère dans le sien, surprise des riz et du bruit qu'elle entendait, sonna sa femme de chambre pour en savoir la cause. Dès qu'elle sut que c'était le domestique du gentilhomme anglais qui avait répandu la gaieté dans la maison en jouant du fifre, elle lui fit dire de monter. La fleur, en montant les escaliers, s'était chargé de 1000 compliments de la part de son maître pour madame, ajoutant bien des choses au sujet de la santé de madame, que son maître serait au désespoir si madame se trouvait incommodée par les fatigues du voyage, et que monsieur avait reçu la lettre que madame lui avait fait l'honneur de lui écrire. Et sans doute il m'a fait l'honneur, dit madame, en interrompant la fleur de me répondre par un billet. Elle lui parut dire cela d'un ton qui annonçait tellement qu'elle était sûre du fait, que la fleur n'osa la détromper. Il trembla que je n'eusse fait une impolitesse. Peut-être eut-il peur aussi qu'on ne le regardât comme un sot de s'attacher à un maître qui manquait d'égard pour les dames. Et lorsqu'elle lui demanda s'il avait une lettre pour elle, Oh, oui, dit-il, madame. Il mit aussitôt son chapeau par terre, et saisissant le bas de sa poche droite avec la main gauche, il commença à chercher la lettre avec son autre main. Il fit la même recherche dans sa poche gauche. Diable, disait-il. Ensuite, il chercha dans les poches de sa veste, et même du gousset. Peste. Enfin, il les vida sur le plancher, où il étala un col sale, un mouchoir, un peigne, une mèche de fouet, un bonnet de nuit. Il regarda entre les bords de son chapeau, et peu s'en fallut qu'il ne plaçât là la troisième exclamation. Mais son étourderie en prit la place. Excusez, dit-il, madame, il faut que j'aie laissé la lettre sur la table de l'auberge. Je vais courir la chercher, et je serai de retour dans 3 minutes. Je venais de me lever de table quand la fleur entra pour me conter son aventure. Il me fit naïvement le récit de toute l'histoire. Et il ajouta que si monsieur avait par hasard oublié de répondre à la lettre de madame, il pouvait réparer cette faute par tout ce qu'il venait de faire. Sinon que les choses resteraient comme elles étaient d'abord. Je n'étais pas sûr que l'étiquette m'obligeât de répondre ou non. Mes cheveux ne se sont pas blanchis à l'étude de cette loi. Mais un démon même n'aurait pas pu se fâcher contre la fleur. C'était son zèle pour moi qui l'avait fait agir. S'y était-il mal pris? Me jetait-il dans un embarras? Son cœur n'avait pas fait de faute? Je ne crois pas que je fusse obligé d'écrire. La fleur avait cependant l'air d'être si satisfait de lui-même que... « Cela est fort bien, lui dis-je. Cela suffit. » Il sortit de la chambre avec la vitesse d'un éclair et m'apporta presque aussitôt une plume, de l'encre et du papier. Il approcha la table d'un air si gai, si content, que je ne pus me défendre de prendre la plume. Mais qu'écrire ? Je commençais et recommençais. Je gâtais inutilement 5 ou 6 feuilles de papier. Je n'étais pas d'humeur à écrire. La fleur, qui s'imaginait que l'encre était trop épaisse, m'apporta de l'eau pour la délayer. Il mit ensuite devant moi de la poudre et de la cire d'Espagne. Tout cela ne faisait rien. J'écrivais, j'effaçais, je déchirais, je brûlais, et je me remettais à écrire avec aussi peu de succès. « Peste de l'étourdi !» me disais-je à moi-même à voix basse. « Je ne peux pas écrire cette lettre. » Je jetai de désespoir la plume à terre. La fleur, qui vit mon embarras, s'avança d'une manière respectueuse, et en me faisant 1000 excuses de la liberté qu'il allait prendre, il me dit qu'il avait dans la poche une lettre qui pourrait peut-être me servir de modèle. Un tambour de son régiment l'avait écrite à la femme d'un caporal. Je ne demandais pas mieux que de le contenter. « Voyons-la, lui dis-je. » Il tira alors de sa poche un petit portefeuille rempli de lettres et de billets doux. Il dénoua la corde qui le liait, en tira les lettres, les mis sur la table, les feuilleta les unes après les autres, et après les avoir toutes repassées à 2 reprises différentes, il s'écria enfin « Monsieur, c'est celle-ci ». Il la déploya, la mit devant moi, et se retira à 3 pas de la table pendant que je la lisais. « Lettre. Madame, je suis pénétré de la douleur la plus vive. » Et réduit en même temps au désespoir par ce retour imprévu du caporal qui rend notre entrevue de ce soir la chose du monde la plus impossible. Mais vive la joie, et toute la mienne sera de penser à vous. L'amour n'est rien sans sentiment, mais le sentiment est encore moins sans amour. On dit qu'on ne doit jamais se désespérer. On dit aussi que monsieur le caporal monte la garde mercredi. Alors ce sera mon tour. Chacun à son tour. En attendant, vive l'amour. Et vive la bagatelle. Je suis, madame, avec tous les sentiments les plus respectueux et les plus tendres, tout à vous. Jacques Roque. Il n'y avait qu'à changer le caporal en compte, ne point parler de monter la garde le mercredi. La lettre au surplus n'était ni bien ni mal, ainsi pour contenter le pauvre Lafleur qui tremblait pour ma réputation, pour la sienne et pour la lettre. J'habillais ce chef-d'œuvre à ma guise. Je cachetais ce que j'avais écrit. Lafleur le porta à madame de L, et nous partîmes le lendemain matin pour Paris. Chapitre 30. Paris. L'agréable ville, quand on a un bel équipage, une douzaine de laquais et une couple de cuisiniers. Avec quelle liberté, quelle aisance on y vit. Mais un pauvre prince sans cavalerie et qui n'a pour tout bien qu'un fantassin fait bien mieux d'abandonner le champ de bataille et de se confiner dans le cabinet, s'il peut s'y amuser. J'avoue que mes premières sensations, dès que je fus seul dans ma chambre, furent bien éloignées d'être aussi flatteuses que je me l'étais figuré. Je m'approchai de la fenêtre, et je vis à travers les vitres une foule de gens de toutes couleurs qui couraient après le plaisir. Les vieillards avec des lances rompues et des casques qui n'avaient plus leurs masques. Les jeunes chargés d'une armure brillante, d'or, ornée de tous les riches plumages de l'Orient, et joutant tous en faveur du plaisir, comme les preux chevaliers faisaient autrefois dans les tournois pour acquérir de la gloire et de l'estime. « Hélas, mon pauvre Yorick, m'écriai-je, que fais-tu ici ? À peine es-tu arrivé que ce fracas brillant te jette dans le rang des atomes. Ah, cherche quelque rue détournée, quelque profond cul-de-sac, où l'on n'ait jamais vu de flambeaux dardés s'érillant, ni entendu de carrosses rouler. C'est là où tu peux passer ton temps. Peut-être y trouveras-tu quelque grisette qui te le fera paraître moins long. Voilà les espèces de coteries que tu pourras fréquenter. Je périrai plutôt, m'écriai-je, en tirant de mon portefeuille la lettre que Madame de L m'avait chargée de remettre. J'irai voir Madame de R, et c'était la première chose que je ferais. La fleur, monsieur, faites venir un perruquier. Vous donnerez ensuite un coup de vergette à mon habit. Chapitre 31. La perruque. Le perruquier entre, il jette un coup d'œil sur ma perruque et refuse net d'y toucher. C'était une chose au-dessus ou au-dessous de son art. « Mais comment donc faire ?» lui dis-je. « Monsieur, il en faut prendre une de ma façon. J'en ai de toutes faites. Voyons. » Il sortit et rentra presque aussitôt avec 5 ou 6 perruques. « Celle-ci vous va à merveille. » « Oui ? Eh bien, soit. Mais je crains, mon ami, lui dis-je, que cette boucle ne se soutienne pas. Vous pourriez, dit-il, la tremper dans la mer, elle tiendrait. Tout est grand à Paris, me disais-je. La plus grande étendue des idées d'un perruquier anglais n'aurait jamais été plus loin qu'à lui faire dire « Trempez-la dans la mer ». Un feu, un seau d'eau, quelle différence! C'est comme le temps à l'éternité. Je l'avouerai, je déteste toutes les conceptions froides et flegmatiques, et toutes les idées minces et bornées dont elles naissent. Je suis ordinairement si frappé des grands ouvrages de la nature que, si je le pouvais, je n'aurais jamais d'objet de comparaison que ce ne fût pour le moins une montagne. Tout ce qu'on peut dire du sublime français à cet égard, c'est que la grandeur consiste plus dans le mot que dans la chose. La mer remplit sans doute l'esprit d'une idée vaste. Mais Paris est si, avant tout dans les terres, qu'il n'y avait pas d'apparence que je prisse la poste pour aller à 100 000 de là faire l'expérience dont me parlait le perruquier. Ainsi le perruquier ne me disait rien. Un seau d'eau fait, sans contredit, une triste figure vis-à-vis de la mer, mais il a l'avantage d'être sous la main, et l'on peut y tremper la boucle en un instant. Disons le vrai, l'expression française exprime plus qu'on ne peut faire. C'est du moins ce que je pense après y avoir bien réfléchi. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que ces minuties sont des marques beaucoup plus sûres et beaucoup plus distinctives des caractères nationaux que les affaires les plus importantes de l'État, où il n'y a ordinairement que les grands qui y agissent. Ils se ressemblent et parlent à peu près d'eux-mêmes dans toutes les nations. Et je ne donnerai pas 12 sols de plus pour avoir le choix entre tous. Le perruquier me disait qu'il voulait que ma perruque fît sa réputation, et il resta si longtemps à l'accommoder que je trouvais qu'il était trop tard pour aller chez Madame de R porter ma lettre. Cependant, quand un homme est une fois habillé pour sortir, il ne peut guère faire de réflexions sérieuses. Je pris par écrit le nom de l'hôtel de Modène, où j'étais logé, et je sortis sans savoir où j'irais. « J'y songerai, » dis-je en marchant. Chapitre 32. Le pouls. Les petites douceurs de la vie en rendent la durée moins ennuyeuse et plus supportable. Les grâces, la beauté disposent à l'amour. Elles ouvrent la porte et on y entre insensiblement. Je vous prie, madame, d'avoir la bonté de me dire par où il faut prendre pour aller à l'opéra comique. Très volontiers, monsieur, dit-elle en quittant son ouvrage. J'avais jeté les yeux dans 5 ou 6 boutiques pour chercher une figure qui ne se renfrognerait pas en lui faisant cette question. Celle-ci me plut et j'entrai. Elle était assise sur une chaise basse dans le fond de la boutique, en face de la poste et bradée des manchettes. Très volontiers, dit-elle, et elle se leva d'un air si gai, si gracieux, que si j'avais dépensé 50 louis dans sa boutique, j'aurais dit « Cette femme est reconnaissante. » « Il faut tourner, monsieur, dit-elle, en venant avec moi à la porte, et en me montrant la rue qu'il fallait prendre, il faut d'abord tourner à gauche. Mais prenez garde, il y a 2 rues. C'est la seconde. Vous la suivrez un peu, et vous verrez une église. Quand vous l'aurez passée, vous prendrez à droite, et cette rue vous conduira au bas du pont neuf qu'il faudra passer. Vous ne trouverez personne alors qui ne se fasse un plaisir de vous montrer le reste du chemin. » Elle me répéta tout cela 3 fois, avec autant de patience et de bonté qu'elle me l'avait d'abord dit. Et si des tons et des manières ont une signification, et ils en ont une sans doute, à moins que ce ne soit pour des cœurs insensibles, elle semblait s'intéresser à ce que je ne me perdisse pas. Cette femme, qui n'était guère au-dessus de l'ordre des grisettes, était charmante. Mais je suppose que ce ne fut pas sa beauté qui me rendit si sensible à sa politesse. La seule chose dont je me souvienne bien, c'est que je la fixai en lui disant combien je lui étais obligé. Je réitérai mes remerciements autant de fois qu'elle m'avait instruit. Je n'étais pas à 10 pas de sa porte que j'avais oublié tout ce qu'elle m'avait dit. Je regardai derrière moi et je vis qu'elle était encore sur sa boutique pour observer si je prendrais le bon chemin. Je retournai pour lui demander s'il fallait d'abord aller à droite ou à gauche. « J'ai tout oublié, lui dis-je. Est-il possible ? » dit-elle en souriant. « Cela est très possible et cela arrive toujours quand on fait moins d'attention aux avis que l'on reçoit qu'à la personne qui les donne. » Ce que je disais était vrai. Elle le prit comme toutes les femmes prennent les choses qui leur sont dues. Elle me fit une légère révérence. « Attendez, me dit-elle, en mettant sa main sur mon bras pour me retenir. Je vais envoyer un garçon dans ce quartier-là porter un paquet. Si vous voulez avoir la complaisance d'entrer, il sera prêt dans un moment, et il vous accompagnera jusqu'à l'endroit même. » Elle cria à son garçon qui était dans l'arrière-boutique de se dépêcher, et j'entrai avec elle. Je levai de dessus la chaise où elle les avait mises les manchettes qu'elle brodait. Elle s'assit sur une chaise basse et je me mis à côté d'elle. « Allons donc, François, dit-elle. Ne vous impatientez pas, je vous prie, monsieur. Il sera prêt dans un moment. Et pendant ce moment, je voudrais, moi, vous dire 1000 choses agréables pour toutes vos politesses. Il n'y a personne qui ne puisse par hasard faire une action qui annonce un bon naturel. Mais quand les actions de ce genre se multiplient, c'est l'effet du caractère et du tempérament. Si le sang qui passe dans le cœur est le même que celui qui coule vers les extrémités, je suis sûr, ajoutai-je, en lui soulevant le poignet, qu'il n'y a point de femme dans le monde qui ait un meilleur pouls que le vôtre. Tâtez-le, dit-elle en tendant le bras. Et aussitôt je saisis ses doigts d'une main. J'appliquai sur l'artère les 2 premiers doigts de mon autre main. « Que ne passiez-vous en ce moment, mon cher ami? Vous m'auriez vu en habit noir et dans une attitude de grave, aussi attentivement occupé à compter les battements de son pouls que si j'eusse guetté le retour du flux et reflux de la fièvre. Vous auriez ri, mais Peut-être aussi m'auriez-vous moralisé. Eh bien, je vous aurais laissé rire sans m'inquiéter de vos sermons. Croyez-moi, mon cher censeur, il y a de bien plus mauvaises occupations dans le monde que celle de tâter le pouls d'une femme. Oui, mais d'une grisette, et dans une boutique tout ouverte. Et tant mieux, quand mes vues sont honnêtes, je ne me mets point en peine de ce qu'on peut dire. Chapitre 33. Le mari. J'avais compté 20 battements de pouls, et je voulais aller jusqu'à 40. Quand son mari parut à l'improviste, et dérangea mon calcul. « C'est mon mari, dit-elle, et cela ne fait rien. Je recommençai donc à compter. » « Monsieur est si complaisant, ajouta-t-elle, qu'en passant près de chez nous, il est venu pour me tâter le pouls. » Le mari ôta son chapeau, me salua et me dit que je lui faisais trop d'honneur. Il remit aussitôt son chapeau et s'en alla. « Bon Dieu, m'écriai-je, en moi-même, est-il possible que ce soit là son mari ? Une foule de gens savent sans doute ce qui pouvait m'autoriser à faire cette exclamation. Et ils vont se fâcher de ce que je vais l'expliquer à d'autres. À la bonne heure. Un marchand de Londres ne semble être avec sa femme qu'un tout, un individu, dont une partie brille par les perfections de l'esprit et du corps, et l'autre en possède aussi, qui ne sont pas moins utiles. Ils unissent tout cela, vont de pair et cadrent l'un avec l'autre, autant qu'il est possible à un mari et à une femme de s'accorder. Mais ce n'est pas ainsi que vont les choses à Paris. La puissance législative et exécutive de la boutique n'appartient point au mari. C'est l'empire de la femme, et le mari qui n'y paraît qu'en étranger y paraît rarement. Il se tient dans l'arrière-boutique ou dans quelque chambre obscure, tout seul dans son bonnet de nuit, fils rustique de la nature. Il reste au milieu des hommes tel que la nature l'a formé. Les femmes, par un habillage et un commerce continuel, avec tous ceux qui vont et viennent, font comme ces cailloux de toutes sortes de formes, qui, frottés les uns contre les autres, perdent leur rudesse et prennent quelquefois le peu poli d'un diamant. Ce pays n'a rien de sali que la monarchie. On y a cédé tout le reste aux femmes. « Comment trouvez-vous, monsieur, le battement de mon pouls ? » dit-elle. « Il est aussi doux, lui dis-je, en la fixant tranquillement, que je me l'étais imaginé. » Elle allait me répondre. Mais François, en entrant, dit que le paquet de gants était fait. « Où faut-il le porter ?»« À propos, dis-je, je voudrais avoir quelques paires. » Chapitre 33. Les gants. La belle marchande se lève, passe derrière son comptoir, atteint un paquet et le délie. J'avance vis-à-vis d'elle. Les gants étaient tous trop larges. Elle les mesura l'un après l'autre sur ma main. Cela ne les appétissait pas. Elle me pria d'en essayer une paire qui ne lui paraissait pas si grande que les autres. Elle en ouvrit un, et ma main y glissa tout d'un coup. « Cela ne me convient pas, dis-je, en remuant un peu la tête. « Non, dit-elle en faisant le même mouvement. Il y a de certains regards combinés, qui par le mélange des différentes sensations que donnent les humeurs, le bon sens, la gravité, la sottise et toutes les autres affections de l'âme, expliquent plus subtilement ce qu'on a à dire que tous les langages variés de la tour de Babel ne pourraient l'exprimer. Ils se communiquent et se saisissent avec une telle promptitude qu'on ne sait auquel des deux attribuer ce qu'ils ont de bon ou de dangereux. Pour moi, je laisse à messieurs les dissertateurs le soin de grossir de ce sujet leur agréable volume. Il me suffit de répéter que les gants ne convenaient pas. Nous repliâmes tous deux nos mains dans nos bras en nous appuyant sur le comptoir. Il était si étroit qu'il n'y avait de place entre nous que pour le paquet de gants. La jeune marchande regardait quelquefois les gants, ensuite la fenêtre, puis les gants, et jetait de temps en temps les yeux sur moi. Elle ne disait mot et je n'étais pas disposé à rompre le silence. Je suivais en tout son exemple. Mes yeux se portaient tour à tour sur elle et sur la fenêtre et sur les gants. Mais je perdis beaucoup dans toutes ces attaques d'imagination. Elle avait des yeux noirs, vifs, qui dardaient leurs rayons à travers deux longues paupières de foie, et ils étaient si perçants qu'ils pénétraient jusqu'à mon cœur. Cela peut paraître étrange, mais je m'étais interdit que le voyage de Bruxelles... Ah, Lisette, Lisette. N'importe, dis-je en prenant sur le champ ma résolution, je vais m'accommoder de ces deux paires de gants. On ne me les sourcit pas d'un seul. Je fus sensible à ce procédé. J'aurais voulu qu'elle eût demandé quelque chose de plus, et j'étais embarrassé de pouvoir le lui dire. « Croyez-vous, monsieur, me dit-elle en devinant mon embarras, que je voudrais demander seulement un solde de trop à un étranger, et surtout à un étranger dont la politesse, plus que le besoin de gants, l'engage à prendre ce qui ne lui convient pas, et à se fier à moi? Est-ce que vous m'en auriez cru capable? Moi, non, je vous assure. Mais vous l'auriez fait, que je vous l'aurais pardonné de tout mon cœur. » Je payai, et en la saluant un peu plus profondément que cela n'est d'usage. Je la quittai, et le garçon avec son paquet me suivit. Chapitre 35. La traduction. On me mit dans une loge où il n'y avait qu'un vieil officier. J'aime les militaires, dont les mœurs sont adoucies par une profession qui développe souvent les mauvaises qualités de ceux qui sont méchants. J'en ai connu un que la mort m'a enlevé depuis longtemps, mais je me fais un plaisir de le nommer. C'était le capitaine Shandy, le plus cher de tous mes amis. Je ne puis penser à la douceur et à l'humanité de ce brave homme sans verser des larmes, et j'aime à cause de lui tout le corps des vétérans. J'enjambais sur le champ les deux bancs qui étaient derrière moi pour me placer à côté de l'officier qui était dans la loge. Il lisait attentivement une petite brochure qui était probablement une des pièces qu'on allait jouer. Je fus à peine assis qu'il ôta ses lunettes, les enferma dans un étui de chagrin, et mit le livre et l'étui dans sa poche. Je me levai à demi pour le saluer. Qu'on traduise ceci dans tous les langages du monde, en voici le sens. Voilà un pauvre étranger qui entre dans la loge. Il a l'air de ne connaître personne, et il demeurerait 7 ans à Paris qu'il n'y connaîtrait qui que ce soit, si tous ceux dont il approcherait tenaient leurs lunettes sur le nez. C'est lui fermer la porte de la conversation. Ce serait le traiter pire qu'un Allemand. Le vieil officier aurait pu dire tout cela à haute voix, et je ne l'aurais pas mieux entendu. Je lui aurais à mon tour traduit en français le salut que je lui avais fait. Je lui aurais dit que j'étais sensible à son attention et que je lui en rendais 1000 grâces. Il n'y a point de secret qui aide plus au progrès de la sociabilité que de se rendre habile dans cette manière abrégée de se faire entendre. On gagne beaucoup à pouvoir expliquer en termes intelligibles les regards, les gestes et toutes leurs différentes inflexions. Je m'en suis fait une telle habitude que je n'exerce presque cet art que machinalement. Je ne marche point dans les rues de Londres, que je ne traduise tout du long du chemin, et je me suis souvent trouvé dans des cercles dont j'aurais pu rapporter, quoiqu'on n'y eût pas dit 4 mots, 20 conversations différentes, ou les écrire sans risquer de dire quelque chose qui n'aurait pas été vrai. Un soir que j'allais au concert, comme je me présentais à la porte pour entrer, la marquise de F sortait de la salle avec une espèce de précipitation, et elle était presque sur moi que je ne l'avais pas vue. Je fis un saut de côté pour la laisser passer. Elle fit de même et du même côté, et nos têtes se touchèrent. Elle alla aussitôt de l'autre côté, et un mouvement involontaire m'y porta, et je m'opposai encore innocemment à son passage. Cela se répéta encore malgré nous, jusqu'au point de nous faire rougir. À la fin, je fis ce que j'aurais dû faire dès le commencement. Je me tins tranquille, et la marquise passa sans difficulté. Je sentis aussitôt ma faute, et il n'était pas possible que j'entrasse sans la réparer autant qu'il me serait possible. Pour cela, je suivis la marquise des yeux jusqu'au bout du passage. Elle tourna deux fois les siens vers moi et semblait marcher de façon à me faire juger qu'elle voulait faire place à quelque autre qui voudrait passer. Non, dis-je, c'est là une mauvaise traduction. Elle a droit d'exiger que je lui fasse des excuses, et l'espace qu'elle laisse n'est que pour me donner la facilité de lui en faire. Je cours donc à elle, et lui demande pardon de l'embarras que je lui avais causé, en lui disant que mon intention était de lui faire place. Elle dit qu'elle avait eu le même dessein à mon égard, et nous nous remerciâmes réciproquement. Elle était au haut de l'escalier, et ne voyant point d'écuyer près d'elle, je lui offris la main pour la conduire à sa voiture. Nous descendîmes l'escalier, en nous arrêtant presque à chaque marche pour parler du concert qu'on allait donner, et de notre aventure. Elle était déjà dans son carrosse que nous en parlions encore. « J'ai fait 6 efforts différents, lui dis-je, pour vous laisser passer. » Et moi j'en ai fait autant pour vous laisser entrer. Je voudrais bien, lui dis-je, que vous en fissiez un 7e. Très volontiers, dit-elle, en me faisant place. La vie est trop courte pour s'occuper de tant de formalités. Je montai dans la voiture, et je l'accompagnai chez elle. Que devint le concert? Ceux qui y étaient le savent mieux que moi. Je ne veux qu'ajouter que la liaison agréable que je formais me fit plus de plaisir que si l'on m'eût payé 1 million pour ma traduction.